La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Michel Zinc, titulaire de la chaire des littératures de la France médiévale au Collège de France, a cette année intitulé son cours « Apollonius de Tyr, l'inceste révélé et le roman volé ». Roman volé, nous a-t-il expliqué, comme l'est la fameuse lettre d'Edgar Poe, c'est-à-dire au centre d'un nombre considérable d'œuvres pendant plus de 12 siècles, mais on ne le voit pas. Par contre, le premier sous-titre de l'intitulé du cours, « L'inceste révélé », est au cœur de l'intrigue, puisque l'histoire se noue grâce ou à cause d'un inceste et se dénoue à la fin sur un inceste évité. Mais bien entendu, l'inceste ne se donne à comprendre ni à s'éviter ouvertement. Pour pimenter l'action et donner à son héros ses lettres de noble intelligence, il lui fallait résoudre des énigmes. Ces énigmes portent bien entendu sur l'inceste lui-même. Le problème en est le traitement littéraire. Il s'agit là, en effet, d'une contrainte pour le narrateur. Mais comment dire ce qui ne doit pas l'être? Dans le cours que nous avons suivi hier, Michel Zinc mettait le doigt sur un malentendu touchant à la rédaction de l'énigme. En effet, dans l'histoire, il s'agit d'un inceste père-fille et, dans l'énigme, d'un inceste mère-fils. C'est pourquoi, ce matin, nous continuons d'interroger le texte de l'énigme. À quoi peut bien renvoyer la formule « Je cherche le mari de ma mère, le fils de ma femme, je ne le trouve pas », sinon à la terrible quête d'Édipe et à son aveuglement qui l'empêche de se reconnaître lui-même, cet aveuglement qui lui est si nécessaire qu'il se crèvera littéralement les yeux après avoir été contraint de voir la vérité. Et le sens est si évident et tellement en contradiction avec le contexte du roman que Hervé s'est cru obligé d'inverser les termes filium et virum pour aboutir à une formulation qui est en fait parfaitement plate et tautologique. Reste la proposition quero fratrem meum, je cherche mon frère. Cette proposition qui fait indissolublement partie de la fin de l'énigme, comme le confirme le graffito de Pergame, appelez ça Adelphon. Quel frère? Là encore, la solution qui vient d'abord à l'esprit est celle de l'aveuglement d'Édipe. Édipe qui est si peu prêt à admettre l'effroyable vérité qu'il est incapable de reconnaître que l'enquête le désigne lui-même et qu'il se dédouble en cherchant comme un schizophrène, comme un schizophrène hypocrite, son semblable, son frère, si j'ose m'exprimer de façon aussi baudelairienne. Si c'est mon frère que je cherche, je suis sauvé, je ne le trouverai pas puisqu'il n'existe pas et je détournerai l'enquête de moi, je ne me trouverai pas non plus moi-même. Alors, est-ce que c'est une solution vraisemblable? Est-ce qu'on peut prêter à l'auteur de cette vieille énigme un raisonnement qui est aussi évidemment fondé sur une représentation moderne de l'inconscient et de la dénégation? Certainement pas. Mais on peut supposer une sorte de plaisanterie, enfin s'il y a matière à plaisanterie dans ces circonstances dramatiques, mais une sorte de plaisanterie sur la collusion des liens de parenté. Si je suis le mari de ma mère, le fils de ma femme est mon frère. Et alors, l'hypothèse vaut ce qu'elle vaut. Elle peut être étayée par le fait que les devinettes autour de ces sujets, les riddles dealing with family relationships, pour reprendre le titre d'un vieil article d'Arthur Taylor, ces devinettes sont très nombreuses. On cite très souvent une épitaphe française sous forme de quatrain, enfin une épitaphe de la fin du Moyen Âge ou du XVIe siècle. Si j'ai le père, si j'ai la mère, si j'ai la sœur, si j'ai le frère, si j'ai la femme et le mari, et ils ne sont que deux, et s'ils ne sont que deux ici. Donc ce sont des choses fréquentes. À tout le moins, c'est une hypothèse préférable à celle qui consiste à prendre la formulation à la lettre et à chercher du côté d'un hypothétique gendre et beau-frère, là, comme ce serait un frère, mais on a des relations in-law, des beaux-frères, des choses parallèles. Alors, ça a été fait à la grande admiration d'Elizabeth Archibald, qui cite l'article de Peter Golden sur ce thème. Elle dit, Golden reconnaît que l'énigme est difficile à résoudre, is a hard nut to crack, mais il explique de façon convaincante, mais peut-être un peu tortueuse, la relation en termes de in-law, en se focusing, n'est-ce pas, en se concentrant sur le gendre, le beau-fils que Antiochus cherche mais ne trouve pas parce que il remplit le rôle lui-même. Donc, je cherche mon frère. Ça veut dire, ça va quand même pas. Alors, mon beau-frère, comme je suis le mari de ma fille, si ma fille a un mari, ce sera mon beau-frère, pas quelque chose comme ça. Ou effectivement, Antiochus pourrait présenter son gendre comme le beau-fils de sa femme, ce qui n'a rien de naturel. Enfin, le père le plus vertueux est dans la même situation. Mais on voit mal, même en raisonnant de façon tortueuse, comme dit Elizabeth Archibald, comment il pourrait voir en son gendre et le mari de sa mère et son frère même in-law, au motif qu'il partagerait la même femme qui est sa fille. Et tout au plus, enfin je suis désolé de ces complications vertigineuses, mais enfin j'ai retourné ça en tous sens, enfin, effectivement la noix est difficile à casser, mais enfin, tout au plus le gendre pourrait-il dire qu'il est le mari de sa, non pas de sa mère, mais de sa belle-mère, puisque sa femme serait aussi la femme de son beau-père Antiochus. Mais la formulation « me matris virum » impose de comprendre que c'est le locuteur qui est le mari de sa propre mère, autrement dit Antiochus, et on revient au problème initial. Ou alors, il faudrait supposer que toute l'énigme est placée dans la bouche du gendre en puissance sur lequel Antiochus rejetterait cyniquement le crime. On demanderait au gendre en puissance de déchiffrer une énigme placée dans sa propre bouche. C'est le gendre qui se répéterait qui se nourrirait de la chair de sa belle-mère. Et effectivement, puisque il aurait pour épouse une femme qui est en même temps sa belle-mère, puisque c'est la femme de son beau-père, et qui chercherait en vain, non pas son frère, mais son beau-frère, époux de sa belle-mère. Bon, mais à ce moment-là, on bute sur uxoris me filium, le fils de ma femme, qui, du point de vue du gendre, ne peut en aucune façon s'appliquer à Antiochus. De toute façon, on n'en sort pas. Et surtout, les termes dans lesquels Apollonius donne la solution de l'énigme, en disant « j'obéis à des pulsions criminelles, tu n'as pas menti, regarde-toi », en disant « je me nourris de la chair de ma mère, tu n'as pas menti non plus, regarde ta fille », ces termes impliquent qu'il place les propos dans la bouche d'Antiochus et non pas dans la bouche d'un gendre, la sienne par exemple. Et il faudrait donc admettre alors que l'élucidation d'Apollonius n'est pas la bonne, mais le texte l'interdit, puisqu'on dit que c'est la bonne. Alors, évidemment, supposer, comme je le fais, leur emploi mal à propos d'une énigme édipienne, d'une énigme concernant un inceste mère-fils et non pas un inceste père-fille. Cette hypothèse a l'inconvénient de ne pas faire confiance au texte, ce qui est toujours de mauvaise méthode, n'est-ce pas, et de lui prêter une incohérence et une sorte d'erreur. Mais j'avoue que je ne trouve rien de mieux et que vraiment ce n'est pas par entêtement et pour tenir à ma solution de 1982, mais après avoir retourné cette énigme en tous sens, je n'ai pas pu consulter les livres de mages chaldéens comme Apollonius l'a fait, hein, de sorte que j'ai une infériorité, mais je ne vois pas d'autres solutions. Alors, nous avons vu qu'il y a réellement une difficulté, puisque, visiblement, le rédacteur de RB l'a vue, s'est confronté à elle et n'a pas bien su la résoudre. Comment, ensuite, les traducteurs, les adaptateurs, se sont-ils tirés d'un texte qui est si mal adapté à son contexte? Eh bien, ils s'en sont tirés avec plus ou moins d'ingéniosité et en prenant plus ou moins de liberté avec l'original. Certains traduisent presque littéralement le texte que leur offre soit R.A. soit R.B., mais souvent en le modifiant légèrement de façon à le rendre plus clair. Ainsi, l'adaptation française de Bruxelles, dont je vous ai dit à plusieurs reprises que c'est l'adaptation vernaculaire certainement la plus spirituelle, si on peut dire, et celle qui est due à l'auteur de plus de talent, mais qui, alors c'est honteux d'avouer que je n'ai pas fait encore la vérification, il faudrait voir si elle est en relation avec cette série de 5 manuscrits latins qui donnent une version développée dans le même esprit. Alors, Bruxelles dit, il traduit ainsi, « Scelereueor, je me crains du méfait, je me crains de méfait, je use de la chair ma mère, je quiers mon père, le baron ma mère, donc le mari de ma mère, le fils ma femme, et s'il ne le puis trouver. » En lisant, là, vous voyez, j'ai réduit un peu les picardismes parce que c'est déjà un peu assez compliqué comme ça. Donc, surpris par l'expression. Alors, pourquoi le traducteur traduit-il « scelere weor » par « je me crains de méfait » j'ai peur du méfait. On a l'explication qui est d'une simplicité biblique quand on regarde la version française du manuscrit de Londres, dont j'ai édité le début à la suite de la version de Vienne, là, dans mon petit livre, et donc il me suffisait de me lire moi-même, en somme. Et cette version est pour l'essentiel une adaptation presque littérale ou assez littérale de l'Historia. Eh bien, la version de Londres cite le début de l'énigme en latin, non pas quand Apollonius se présente devant Antiochus, mais plus haut, dès le moment où Antiochus impose au prétendant à la main de sa fille de la résoudre. Et à ce moment-là, on cite l'énigme et on ne la répète pas au moment où Apollonius est devant le roi. Mais Apollonius la cite in extenso en latin et accompagnée d'une traduction française au moment où il en donne la solution. Alors que, dans l'Historia, nous venons de le voir, il ne reprend une commande que le début. Et à ce moment-là, on peut constater, très heureusement, que le texte latin que suit le manuscrit de Londres n'est pas « scelere weor », mais « scelere wereor ». J'ai peur à cause de mon crime. Et, lui aussi, c'est ce texte latin qui a « quero patrem meum » au lieu de fratrem meum. De sorte que les arguments se resserrent autour de cette vérification que j'aurais dû faire, qu'il faut absolument faire, que j'essaierai de faire avant la fin du cours, mais je ne peux pas promettre d'avoir le temps. Autrement dit, le manuscrit de Londres révèle un modèle de la même famille que celui suivi par l'adaptation de Bruxelles, et pourtant le manuscrit de Londres, pour la suite, traduit le texte de Herbé. Donc il y a une situation textuelle compliquée. Et alors, c'est ce que vous avez là. Laquelle question sensieux, ça c'est tout au début, scelere uereor, maternam carnem uescor, quero patrem meum, matris meo filium, nec in venio, qui vaut autant à dire comme j'ai vergogne de mon père, je mange la chair de ma mère, je quiers mon père, fils de ma mère, et ne le puis trouver. Ça c'est au début, tout au début, quand on expose l'énigme soumise par Laurent Antiochus au prétendant, et plus loin, lorsque Apollonius résout l'énigme, le texte, c'est le texte que vous avez aussi, « Roi Antiochus, tu as proposé ta question, entends à moi, quand tu dis scelere uereor, c'est ton péché, ta vergogne, regarde toi-même, et quand tu dis maternam carnem uescor, c'est-à-dire je mange la chair de ma mère, regarde ta fille. Et quand tu dis, j'aurais dû le mettre en Italie, quero, et quand tu dis quero patrem meum et matris me filium nec in venio, c'est-à-dire je quiers mon père, fils de ma mère, et ne le puis trouver, et ce tu veux bien entendre, c'est ta vergogne de toi et de ta fille. Donc, à partir d'un texte un peu modifié, un effort d'élucidation. La traduction française littérale du XIIIe siècle, donc la plus ancienne version intégrale française que nous connaissons, qui a été publiée dans les Romanische Forschungen par Charles Lewis en même temps et avant que l'adaptation de Bruxelles, cette traduction reproduit quant à elle, sans sourciller, la version insipide de Herbé, en en modifiant cependant le début de façon à rendre la nature du crime si explicite qu'il n'y a plus d'énigme du tout. Je suis père par félonie, je use de la chair de ma mère, je quiers mon frère, fils de ma mère, mari de ma femme, et si ne le puis trouver, ça ne résout rien pour la suite, mais je suis père par félonie, on ne saurait être plus clair. L'adaptation française du manuscrit de Florence, qui a été, édité au sens d'une édition de texte par Marina Rocchetti, mais c'est une thèse de l'Université de Vérone qui est dactylographiée, qui n'a pas été publiée pour l'instant. Cette adaptation suit également Herbé en supprimant la fin et sans trop essayer de comprendre ce qu'elle est réweor. Je suis porté de félonie, la char use de ma mère, je quiers mon frère, fils de ma mère, mari de ma moyère. Bon. Et l'adaptation française tardive du manuscrit de Vienne, donc la fin du XIVe siècle, celle que j'ai éditée, omet purement et simplement le texte de l'énigme, et elle dit seulement que l'énigme était en grec, que c'était un texte grec, de sorte qu'elle se situe tout entière dans un monde de la latinité, dans lequel le grec n'est pas compris, selon l'expression connue, et elle transpose la difficulté dans l'ordre linguistique. La difficulté de l'énigme, ce n'est pas l'aspect énigme ou devinette, c'est que c'est dans une langue difficile. Et Apollonius, qui était bien endoctriné dès cet art, n'a qu'à traduire ce texte en latin pour le comprendre. Les autres prétendants ne savaient pas le grec et ils ont été décapités pour cela, ce qui montre l'intérêt d'une formation classique, hélas aujourd'hui trop menacée. Par une ellipse analogue, Apollonius fait savoir, toujours dans la version de Vienne, Apollonius fait savoir à Antiochus qu'il a bel et bien déchiffré l'énigme, mais que, s'il le veut, il n'en donnera pas publiquement la solution. Mais Antiochus l'exige, et à ce moment-là, Apollonius cesse de prendre des gants. C'est le passage que vous avez ici. Et quand Apollonie tint le devinail, lequel était écrit en grec, Laure le contraint en latin et sut toute la déconvenue du devinail. Et dit au roi Antiochus, « Je sais bien que ton devinail devise, si me souffrirait bien du dire, si tu veux. » Laure eut Antiochus honte pour la chevalerie qui là était assemblée, et dit, « Par mon chef, tu le diras, et ce tu faut, je ne te épargnerai ni de la tête coupée, ne que les autres, pas plus que les autres. » Et Laure, Apollonie recorda le devinail devant tous, et dit, « Il dit que tu couches avec ta fille, et en fait ta volonté, et te nourris sur ton engendrure, et par ce, c'est-à-dire tout à plein, que tu couches avec ta fille, charnellement, mais autre chose n'y a. » Là, bon, il insiste. Alors, le passage ne donne guère d'indication sur le texte de l'énigme, qu'il n'a, encore une fois, le manuscrit, cette version ne le reproduit pas, mais la phrase « tu te nourris sur ton engendrure », tu te nourris de la, ce que tu as engendré, montre comment l'adaptateur a compris maternam carnem wescor en le rapportant à la situation. Je me nourris de la chair que j'ai engendrée dans sa mère. Et il traduit cela, finalement, avec une certaine habileté. Mais d'autres auteurs ont baissé les bras et modifient profondément le texte de l'énigme, comme le fait Gower, ou même, et là, alors il y a un long texte de Gower que j'ai là, mais enfin bon, que je saute, et ou même ils inventent une énigme qui n'a rien à voir avec celle qu'ils trouvent dans le texte latin, et c'est ce que fait le Libro de Apollonio Castillon du XIIIe siècle, La verdura del ramo es come la raíz, de carne de mi madre, pardon, en hueso mi service. Donc, la verdure du rameau, la cime verte de la branche, se nourrit de la racine, de la chair de ma mère, je nourris ma nuque. Et Apollonius commente en ces termes, tu eres la raíz, tu fira el simal, tu pereces per elia por pecado mortal, car la fira hereda la debta carnal, la cal tu es su madre a bienes comunal. Tu es la racine, ta fille la cime, les frondaisons. Tu perds ton âme, tu causes ta perte en péché mortel à cause d'elle, parce que la fille hérite de la dette charnelle que toi et ta femme vous avez en commun. Là. Ce qui est un commentaire étrange. Quelle est cette dette charnelle qu'Antiochus avait en commun avec sa femme et dont leur fille a hérité? Pourquoi rien, ni dans l'Historia, ni dans le Libro de Apollonio, ne dit que les relations d'Apollonius et de sa femme étaient coupables en quoi que ce fût? Là. C'était des relations conjugales normales qui ont eu un fruit légitime dans la personne de cette fille. Alors, pourquoi ces relations auraient-elles été pécamineuses, entraînant en leur fille une sorte de multiplication, d'envahissement du péché, de frondaison du péché, et faisant d'elle la cause de la damnation de son père à cause de ce péché antérieur? Il y a là, enfin, on soupçonne une interprétation peu orthodoxe du péché originel, mais enfin, le texte n'est pas assez explicite pour qu'on puisse en tirer vraiment des conclusions. Il est possible, là encore, que la bibliographie je n'ai pas dépouillé la bibliographie très abondante sur le Libro de Apollonio, et probablement que quelqu'un, un jour, s'est penché sur la question. Quant à Shakespeare, j'ai encore moins dépouillé la bibliographie shakespearienne, j'y aurais passé ma vie, naturellement. Quant à Shakespeare, son énigme est sans rapport avec celle qu'il a trouvée dans Gower, Gower étant son modèle le plus direct, ni avec celle qu'il a pu lire ailleurs, si, comme je le crois, il a utilisé aussi une autre source, française ou dérivant d'une version française. Et je vous l'avais déjà dit brièvement, c'est peut-être pas le lieu, mais je le dis d'un mot parce que je ne suis pas sûr que ça a été vraiment développé. Or, la question est de savoir, mais il y a peut-être d'autres solutions. Pourquoi, dans la pièce de Shakespeare, Apollonius ne s'appelle pas Apollonius, mais Périclès? Il n'y a que chez Shakespeare qu'il s'appelle Périclès. Or, dans l'Historia et dans la plupart des versions, interrogé sur son identité à Cyrène, c'est d'ailleurs un passage que nous allons commenter dans un instant, interrogé sur son identité à Cyrène, Apollonius répond par une sorte de formule, elle aussi un peu énigmatique. Si tu m'interroges sur ma fortune, je l'ai perdue en mer. Si tu m'interroges sur mon nom, je l'ai perdu à Tarse. Mais immédiatement après, il se nomme et il dit qui il est. Il y en a peut-être d'autres, mais dans la version de Vienne, du manuscrit de Vienne, celle que j'ai éditée, là, il conserve l'anonymat. Il ne dit pas son nom et il dit qu'il est un marchand, fils de marchand. Et comme on ne sait pas son nom, à la cour de Cyrène, désormais, on le désigne sous le nom de périer, c'est-à-dire naufragé. Et lorsque la princesse dit à son père qu'elle veut épouser, elle dit qu'elle veut épouser périer. Périer, P-E-R-I-2-L-E-S. Qu'un sujet. Mais dans la graphie d'un manuscrit, il est extrêmement facile de prendre deux L pour CL. Surtout si le lecteur n'est pas francophone vraiment, et si il connaît le nom de Périclès, mais si Périer ne lui dit rien du tout. De sorte que, je ne dis pas Shakespeare lui-même, mais il a pu y avoir dans la tradition textuelle. Je m'avance en disant cela publiquement parce que tous les Shakespeareens vont me tomber dessus en me disant un, que c'est pas vrai, deux, qu'il y a déjà eu 15 articles là-dessus, trois, etc. Bon, je dis cela dans la candeur de mon âme et en tendant mon dos aux verges. Il a pu y avoir dans la tradition textuelle un moment où cette erreur a été commise. Mais enfin, je reviens à un terrain plus sûr. Alors, dans Périclès, prince de Tyre, Shakespeare place l'énigme dans la bouche de la princesse. Et il s'arrange pour rendre le texte à peu près cohérent. Ce qui explique d'ailleurs que les savants qui se sont intéressés à Apollonius de Tyre en étant anglicistes, comme Elizabeth Archibald et d'autres, évidemment que les anglicistes, à cause de Shakespeare, étaient particulièrement portés à s'interroger sur la préhistoire de la pièce de Shakespeare. Et du coup, eux partent, en lisant l'énigme, ont présent à l'esprit d'abord le fait que l'énigme est placée dans la bouche de la fille. Et puis, ils disent, ah non, c'est pas ça, dans l'Historia, elle n'est pas placée dans la bouche de la fille. Alors que les lecteurs qui ne partent pas de Shakespeare aboutissent à Shakespeare en disant, tiens, Shakespeare place l'énigme dans la bouche de la fille, mais il ne leur vient pas à l'esprit en lisant l'Historia que la question peut même se poser. Donc, je ne lis que la traduction. Je ne suis pas une vipère, pourtant je me repais de la chair de ma mère qui m'a donné naissance, je cherchais un époux, et dans cette tâche, j'en ai trouvé la tendresse dans un père. Il est père, fils, et 12 époux, moi, mère, épouse, et pourtant son enfant. Comment cela peut exister, et en deux personnes seulement, si vous voulez vivre, résolvez cela. Alors, vous voyez que Shakespeare interprète, mais encore une fois, il faudrait savoir quels sont les modèles exacts de Shakespeare. Shakespeare interprète Mater Dame Carnem Westcor un peu comme l'adaptation française de Vienne, mais en la rapportant à la fille et non pas au père. Elle se nourrit de la chair de sa mère en prenant la place de cette chair auprès de son père. Mais pourquoi son père, en devenant son époux, devient-il son fils et elle, sa mère. Ce vestige de l'énigme originelle reste à mes yeux obscur. Encore une fois, je suppose qu'il y a une bibliographie abondante sur la question, comme sur tout ce qui touche à Shakespeare, mais j'avoue que j'ai renoncé, après avoir goûté à Golden, celui de l'interprétation par les beaux-frères, les beaux-fils et les belles-mères. Car enfin, ce n'est pas parce que cette malheureuse prend la place de sa mère que son père devient pour cela son fils, sauf à retomber dans la légende d'Édipe, on n'en sort pas. Voilà. Et aussi bien, dans la Périclès prince de Tyr, Antiochus soumet cette énigme à Périclès, et puis tout le monde sort, Périclès reste seul sur scène et se livre à un monologue, c'est un peu comme dans la version de Vienne, cela confirme un peu mon... intuition, si j'ose m'en faire crédit, c'est que, de même que dans la version de Vienne, Apollonius dit « J'ai compris, mais enfin, c'est pas flatteur pour toi, est-ce que tu veux que je le dise ?» Si tu veux, je ne te dirai en particulier. Et par orgueil, Antiochus s'entête et dit « Non, dis-le publiquement. » Dans Périclès, prince de Tyr, Périclès laisse entendre, évidemment plus habilement, à Antiochus qu'il a compris le sens de l'énigme, et qui a percé le sens général. À ce moment-là, tout le monde se retire, et Périclès restait seul sur scène, on se livre à un monologue, dans lequel, pour le bénéfice des spectateurs, il commente l'énigme point par point. Point par point, enfin de façon plus précise, sauf que ce point-là, il ne le commente pas. Il n'en dit rien du tout. Et donc, je me crois tout de même autorisé à persévérer dans mon opinion initiale et à considérer que le plus vraisemblable est encore que cette énigme est un remploi, ce qui n'a rien en soi de surprenant puisqu'il y a d'autres remplois dans le texte, et en particulier les énigmes de Tarsia à la fin du roman, comme je l'ai déjà dit, et nous allons nous les commenterons tout à l'heure, ou plutôt la fois prochaine. Donc je laisse pour l'instant cette énigme à son énigme, si je puis dire, et je passe aux autres énigmes du roman. Parce que j'avais dit la dernière fois que l'histoire d'Antiochus, de son inceste et de son énigme n'est pas une sorte de prélude qui peut être oublié ensuite. Bien que Antiochus et sa fille ne jouent plus vraiment de rôle dans la suite du roman, mais que le roman, l'histoire d'Apollonius de Tyr, ne peut être comprise que par référence à ce prologue. Et un indice, je ne reviens pas sur l'argumentation que j'avais présentée la dernière fois, mais un indice, c'est qu'il y a d'autres énigmes qui jalonnent le roman. Alors, les autres énigmes importantes viennent à la fin, ce sont les énigmes de Tarsia, d'autant plus qu'elles n'accompagnent pas cette fois-là un inceste, certes, mais elles sont liées à une sorte de menace d'inceste, heureusement écartée et conjurée. Mais dans l'intervalle, il y a d'autres moments où des énigmes apparaissent, et des énigmes d'autant plus frappantes qu'elles ne sont pas frappantes, qu'elles sont tout à fait anodines, qu'elles ne sont qu'à peine des énigmes, et que cependant le texte éprouve le besoin de les mettre en valeur, bien que ce soit des énigmes si transparentes qu'elles n'en sont pas. Ce sont les deux énigmes qui jalonnent le séjour d'Apollonius à Cyrène. La première à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, et que j'ai même cité tout à l'heure, n'est rien de plus qu'une pointe par laquelle Apollonius pique la curiosité de la princesse de Cyrène avant de la satisfaire. La princesse de Cyrène l'interroge sur son identité et il a cette réponse un peu spirituelle en quelque sorte avant de lui dire qui il est. et la seconde, c'est celle par laquelle la princesse fait savoir à son père qu'elle désire avoir Apollonius pour époux. Non seulement ces énigmes en sont à peine, mais encore, elles n'ont rien à voir avec l'inceste. Alors pourquoi en parler ? Je ne fais que répéter qu'elles n'ont guère de saveur et rien à voir avec l'inceste. Pourquoi en parler ? Pour trois raisons. La première est que dans un récit qui commence et se termine sur des énigmes, il est de mauvaise méthode de ne pas prêter attention aux énigmes intermédiaires. Ah, forcément. La deuxième, c'est que le jeu rhétorique sur son identité, sur ses malheurs, auquel se livre Apollonius dans l'Historia, donc si tu m'interroges sur mon identité, si tu m'interroges sur ma fortune, etc., ce jeu rhétorique se transforme au fil des adaptations vernaculaires en véritable énigme, ou au moins se tente à se rapprocher d'une énigme, comme si les adaptateurs avaient été sensibles au fait que l'histoire d'Apollonius de Tyr, c'est une histoire d'énigmes et qu'il faut trouver des énigmes. Et la troisième raison est que figure dans l'Historia, au moment où Apollonius rencontre le roi de Cyrène, un détail absolument anodin, il faut avoir l'esprit très mal tourné pour ne pas le trouver anodin, un détail parfaitement naturel dans le cadre des mœurs antiques et hellénistiques, mais un détail que le Moyen-Âge, ignorant de ses mœurs, semble avoir jugé troublant, ou au moins gênant, parce que, puisqu'il l'a fait disparaître de toutes les adaptations vernaculaires, y compris des traductions littérales. Si littérale que soit une traduction d'Apollonius, vous n'y trouvez pas ce minuscule détail. Et je commence par lui. Alors, vous vous en souvenez, Apollonius, à son arrivée à Cyrène, après avoir couvert sa nudité du demi-manteau que lui fournit le pêcheur, se rend au gymnase et là, il se mêle au jeu de ballon auquel se livrent le roi et sa suite. Et il s'y montre si habile que le roi demande aux autres joueurs, ses compagnons, de s'écarter pour qu'ils puissent jouer uniquement avec le jeune inconnu qui est seul à être de sa force. Ça, on le trouve absolument partout. C'est un épisode qui est assez développé par l'Historia, qui occupe, mettons dans une édition imprimée, une page, si vous voulez, et qui est généralement traduit littéralement ou avec très peu de changements. Mais les choses n'en restent pas tout à fait là. À l'issue du jeu, Apollonius, dit l'Historia, frictionne le souverain avec un onguent et il le frictionne d'une main savante et si légère, dit R.A., avec tant de subtilité, dit R.B., que de vieux qu'était le roi, il le rend à nouveau jeune et que le roi est ravi et conquis. Ça veut dire conquis. Et docta manu keromate fricawit regem tanta lewitate ut dessene iuenem rederet, écrit R.A. N'a d'une main docte, il frictionna le roi avec de l'onguent d'une façon si légère que de vieux il le rendit jeune, ou il le rendait jeune. Et dans R.B., docta manu keroma fricawit eum tanta subtilitate ut dessene iuenem rederet, là avec tant de subtilité. Et puis, après cette opération, il chauffe le bain du roi et il lui prête, à sa sortie de la baignoire, une main officieuse. Iterato, in solio, donc solium, ça peut être, d'ailleurs c'est une ambiguïté s'agissant d'un roi, ça peut être le trône, etc., mais dans le contexte, c'est la baignoire, c'est le bain. Iterato, in solio, gratissime fovit, exeunti officiose manum dedit, ou RB deinde in solio gratissime fovet et exeunti manum officiosam dedit, et étant allé dans le bain, il l'a très bien chauffé et à celui qui sortait, il a donné une main serviable. Alors, ce massage et ces bains, les versions vernaculaires les passent sous silence. Et dans toutes ces versions, dès la fin du jeu, une fois que le jeu de Bâle, ou dans la version de Vienne, vous savez, il apprend à nager, il y a bien un bain, mais c'est dans la rivière, et il apprend à nager au roi. Le roi n'avait jamais appris à nager jusque-là, il se baignait tous les jours, et il a fallu l'arrivée d'Apollonius pour qu'il apprenne cet art utile et agréable. Mais dans les autres versions, dès la fin du jeu, Apollonius s'éclipse discrètement et il pique ainsi la curiosité du roi qu'il fait suivre. Celui qui lâche le serviteur qui suit Apollonius vient rapporter au roi que Apollonius est misérable et que c'est à l'évidence un naufragé. Et du coup, il le fait inviter à sa table. Et dans le Libro de Apollonio, le roi l'invite directement à la fin du jeu. À ce moment-là, Apollonius Vergognoso ne veut pas accepter, il fait des petites manières, mais tous font chorus, mais si, il faut venir, et finalement il se laisse faire et il se rend l'invitation. Alors, si on regarde, par exemple, la traduction littérale française, qui est une traduction vraiment littérale, « L'or nota le roi l'isnelté, la rapidité, la vivacité du jouvencel au jeu de la balle, et pour ce qu'il vit que nul n'était son pareil à ce jeu de paume, il dit à ses gens, « Fuyez-vous, dit-il, de ci, car si, comme je crois, ce jouvencel est mon pareil, et il est seul à jouer aussi bien que moi. » Quand Apollonius oït ce que le roi le louait ainsi, il s'approcha hâtivement de lui, et lui fit révérence très sagement, et puis s'en alla. Il se sauve à ce moment-là. Dans le manuscrit de Florence, le jeu de ballon a lieu dans le bain, de sorte que le bain est bien présent, mais dans des circonstances très différentes. Dans le manuscrit de Vienne, j'en ai parlé aussi. Voilà. Et on peut se demander si le bain dans les manuscrits de Florence et de Vienne n'est pas une transposition de cette malheureuse baignoire, et voir si cette transposition ne remonte pas à la vieille glose aquitaine elle-même, qui renvoie explicitement à l'Historia Apollonii pour donner comme explication du mot difficile gymnasium, balneum. Et dans le Libro de Apollonio, pareil, et comme dans on joue à la pelote. D'ailleurs, dans la traduction littérale française, on joue à la paume. Et par exemple, vraiment, je ne vous lis pas tout le passage, mais on décrit très longuement, beaucoup plus longuement dans l'Historia, comme Apollonius joue bien à la pelote. Quand il la frappe, il la fait aller bien droite. Quand il la recevait, elle ne lui échappait pas de la main. Il était habile et léger au jeu. Et alors, Apollonius commence à jouer avant même l'arrivée du roi. Le roi arrive et il est séduit, etc. Mais à la fin, le roi dit à Apollonius, ami, je te prie de venir dîner avec moi ce soir, ne va pas chercher un autre foyer pour y manger. Et c'est là que les autres disent, mais oui, viens, etc. Bon, et ça se passe comme ça. Enfin bon, j'aurais pu vous lire tout ça, mais je veux conclure sur ce point, c'est pas la peine d'y passer des heures. Ce silence des versions vernaculaires ne doit évidemment pas être rétrospectivement comparé au texte de l'Historia pour surinterpréter sottement l'Historia. Mais ce silence montre que les versions vernaculaires jugeaient ce comportement déclassé. Et donc, qu'au roi Antiochus, trop proche de sa fille, ô combien, trop hostile aux jeunes étrangers, elles opposaient le roi de Cyrène, irréprochable avec sa fille, mais un peu trop proche du jeune étranger. Même chez le vertueux roi Archestra, il y a matière à dissimulation, ce à quoi les traductions s'emploient. Et bien sûr, cette petite ombre qu'on s'efforce d'effacer, ou plutôt ce détail qui ne devient une ombre que parce qu'on s'efforce de l'effacer. Encore une fois, dans l'historia, c'est quelque chose qui coule de source. Il n'y a pas un mot à perdre là-dessus. Mais il y a un mot à perdre là-dessus parce que, avec une extrême obstination, les adaptations médiévales suppriment cela. Et du coup, en essayant de supprimer ce petit détail, elles attirent l'attention sur lui. Et il y a comme une menace que ce détail envahisse tout cet épisode lumineux de Sirène. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Michel Zinc, titulaire de la chaire des littératures de la France médiévale. Réalisation Dominique Briffaut. Présentation Christine Goémé. Amore, immaginerò tu desi, sa d'amor meu e lui, son giunti poi, ricordi miei che sale sapare, e son tu regali, non lo tu. E garantirà mandemo. E chi vorrebbe più svegli, je la cuide si fol cuide, che si lene garantire, vide terre la sufficienza. Oh, my God. La donne Tous les jours, sur France Culture, votre têtresse, chercheuse. Il y a une certaine intimité qui se crée par la radio. Cultura. Une forme d'intimité, finalement. Chères auditrices, écoutez. Il y a une parole qui se déplace, qui change de média. Enregistrement. Réfléchir, penser, c'est pas forcément de la prétention de l'éliquisme. Ça devrait être, justement, pour reprendre l'expression d'Antoine Garapon, le bien commun. Écoutez, vous êtes sur France Culture. Détails de ces détails, hein, mais je pense que dans le grand monologue, faut vraiment faire entendre le de moi lui lâchant la main, lui de moi mourir. Voyage en terre théâtrale sur France Culture, côté coulisses, côté répétition, histoire d'envisager la fabrication théâtrale. C'est une aventure qu'on vit ensemble. Et c'est comme un groupe qui serait, qui partirait dans une terre inconnue et qui avancerait avec tous les problèmes que ça pose. Je ne peux pas échapper à une seule virgule du texte.